Message de vie donné à comprendre. Bonjour à vous, aventuriers et aventurières de l'esprit. Si vous êtes sur un quai, dans l'attente d'un prochain départ, je vous invite à monter à bord, à prendre votre part et à nous ouvrir de nouveaux passages aux confins du soi. Le voyage intérieur, c'est une série d'émissions présentées par Message de vie MES Plus Loin Sage, produite par Richard Federman. Faire de notre vivant. L'histoire de l'humanité est suspendue à cette question. On considère les utopistes comme des gens irrationnels. On a tendance à disqualifier leurs idées, à se montrer indifférent envers eux. L'utopie est-elle une manière de résister pour ne rien changer ou pour tout transformer ? Sandrine Roudeau est chercheuse semeuse d'utopie. Elle a concilié écologie, économie, humanisme et de l'accomplissement personnel. Elle porte sa réflexion sur les conspirateurs positifs, l'héroïsme ordinaire et la soumission à l'autorité. Plutôt que de changer soi-même pour que le monde change, Sandrine nous propose de devenir soi pour que le monde soit. Dans tous nos actes de résistance, il existe une occasion unique d'accomplir son utopie d'être pour ressentir l'émerveillement de ce que l'on va être, comme par anticipation. Ce qui nous transforme, ce n'est pas d'atteindre le but, mais d'en explorer le chemin qui mènera au résultat final. Sandrine Roudeau veut donner du relief à sa vie, provoquer du lien et des projets comme un moyen de participer à quelque chose de plus grand que nous. À nous de jouer. Dans le voyage intérieur, la série d'émissions de Messages de vie. MES Plus Loin Sage. Messages de vie. Entendre un monde qui nous entoure. En fait, dans la résistance, il y a des non et il y a des oui. En fait, c'est résister à tout ce qui est indigne, tout ce qui est injuste, ne pas accepter ça. Donc résister aussi à la résignation, résister à la tentation d'oublier qu'on a un pouvoir et qu'on peut faire des choix aussi et qu'on peut dire non. Et résister, c'est aussi résister pour autre chose. Donc résister pour un autre modèle, pour justement défendre des valeurs humanistes, pour proposer d'autres choses. Et résister, c'est se tenir debout, en fait, étymologiquement. C'est vraiment ça. Et faire entendre une autre voix. Pourquoi l'utopie n'est-elle jamais perçue de façon positive ? L'utopie, déjà, en étymologie, c'est utopia. Donc ça veut dire qui n'a pas de lieu. Et nous, on l'a traduit par qui ne peut pas en avoir. Ce qui quand même démontre notre aversion pour tout ce qui est l'inconnu. Un truc qui n'existe pas ne peut pas exister. C'est un truc de fou, quoi. Et en fait, l'utopie, forcément, ça ne peut pas exister, parce que c'est dans le mot. Et en fait, une utopie qui est réalisée, on ne l'appelle plus une utopie. Parce que ça ne s'appelle pas comme ça, une utopie. C'est effectivement quelque chose qui n'est pas réalisé. Donc, des utopies réalisées, il y en a plein. Mais sauf qu'à partir du moment où elles sont réalisées, on ne les appelle plus comme ça. Donc tous nos droits, toutes nos évidences étaient des utopies au départ. On peut toutes les reprendre, hein, le droit de vote des femmes, la fin de la ségrégation, la démocratie, la sécurité sociale, tout au départ, c'est une utopie, c'est un truc qui n'existe pas. Et c'est un truc qu'on voudrait parce qu'on estime que ça nous fait progresser, que c'est idéal, donc c'est quelque chose qu'on poursuit. Le 26 septembre 1983. Nous sommes en pleine guerre froide. Le lieutenant-colonel des forces aériennes soviétiques, Stanislav Petrov, est en service dans un bunker. Ce soir-là, un peu avant minuit, l'alarme retentit. L'un des satellites a détecté 5 missiles balistiques américains qui foncent vers l'Union soviétique. Stanislav a 5 minutes pour faire un choix crucial. Il est seul dans son bunker. Suivre le protocole ou faire confiance à son instinct. L'état-major russe aurait probablement lancé une attaque nucléaire de riposte s'il avait fait remonter l'information. Mais Stanislav a désobéi. Il a fait confiance à son instinct. Il nous a évité le soir du 26 septembre 1983 une guerre nucléaire. De tout temps, l'histoire s'est faite avec des gens peu nombreux qui se sont battus, ont pris des risques. Et depuis toutes ces années, nous profitons de leur combat parce que beaucoup d'hommes et de femmes se sont mis en décalage avec leur quotidien pour nous emmener à un autre niveau de conscience. Je vous propose de retrouver Sandrine Roudot dans Message de vie. Bon, et après les utopies, en fait, on dit que c'est irréaliste et en fait c'est hyper subversif, une utopie. C'est-à-dire que c'est très intéressant parce que les utopies c'est mal perçu. Alors un coup c'est bisounours, donc c'est irréaliste, c'est ma pauvre petite fille, t'en as pas compris la vie, je sais pas de quoi tu parles. C'est comment on appelle ça, le principe de réalité, voilà. Le principe de réalité, c'est hyper conservateur, le principe de réalité, en fait. Mais très vite, tu tombes dans le violent, dans le dangereux. Donc ça montre bien que l'utopie est très subversive, en fait, qu'elle remet en cause plein de choses. Donc tantôt c'est irréaliste, tantôt c'est dangereux. C'est fou parce que les suffragettes, c'est un truc de dingue, quand même. J'ai lu des textes où... le mépris des femmes qu'il y avait derrière ça, parce qu'en fait, le droit de vote des femmes, ce qu'elles défendaient, c'était aussi une égalité de respect, en fait. Enfin, c'était incroyable, cette histoire. Et quand on voit, j'ai lu des trucs sur ce que disait le Sénat français, qui n'a jamais mis le droit de vote des femmes à son ordre du jour, que les députés l'avaient fait passer, ça a duré des années, ils ne l'ont jamais mis à leur ordre du jour, enfin, c'est un truc de fou, en estimant que les femmes n'étaient pas capables de voter, d'avoir une idée en dehors de leur mari. C'est juste un truc incroyable. Et avec le recul de l'histoire, on se dit, mais c'est tous les autres qui sont totalement irréalistes et totalement violents et totalement... Et pour tous, c'est pareil. Et je suis bien persuadée que ce qu'on défend tous aujourd'hui, l'utopie d'avoir un monde qui ne nuit pas aux autres, c'est-à-dire à ceux qui sont à l'autre bout du monde en train de nous faire des t-shirts en crevant, ou à nos enfants demain, quoi, d'appauvrir leur sol, d'appauvrir leur capacité à se développer. On dit la loi du progrès, on est en train juste de leur... eux, ils n'en auront pas, quoi, de loi du progrès, c'est clair, ils n'auront plus de ressources. Et c'est nous les utopistes, et je suis bien sûre que dans des années, on dira, mais comment avez-vous pu faire ça, quoi, en fait. C'est vraiment... Et l'utopie a toujours les germes de la lucidité, en fait. C'est bien... C'est à l'inverse de l'irréalisme. C'est extrêmement lucide, justement. C'est lucide... Parce qu'il y a une seule cause, c'est l'humanité et la dignité. Et ça, quand on se remet à ce curseur-là, mais c'est d'une évidence totale, quoi. Mais en plus, tu disais, je crois que, on parlait des exemples des suffragettes, qu'elles étaient peu nombreuses, elles étaient 300 ou 400. Donc au départ, l'îlot de résistance commence avec très peu de gens, et c'est ça qui fait la différence, en fait. Mais c'est ça. Et c'est, pas besoin c'est... d'être nombreux. Non, en fait, on n'a jamais besoin d'être nombreux. Les résistants, ils étaient 2 à 3%. Alors après, l'histoire... Voilà, on jolive tout ça, on s'imagine tous résistants parce que ça nous fait du bien, parce que voilà, on n'a pas la honte d'avoir été un peuple qui s'est soumis, hein, tout bêtement. C'est pas un jugement, hein, c'est s'il y en a autant, c'est qu'on est tous vulnérables à ça. Mais c'est toujours une minorité. Hein, et puis ça commence par une personne. Hein. C'est Claudette Colvin avant Rosa Parks dans un bus aux États-Unis. Et après il y a une alchimie. Par exemple, Claudette Colvin, elle était adolescente et sa vie famille, enfin sa vie faisait qu'elle représentait pas une icône qu'on aurait pu suivre. Voilà. Donc il y a aussi le hasard de l'histoire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que on ne sait pas d'où ça va partir. On n'en sait rien. Sur Nuit debout, il y a eu des choses, il y a eu des débuts trucs. Et ça se poursuit par ailleurs, parce que ça a créé des liens entre des gens. Donc on aime à croire que bon, non, ça n'a rien fait, etc. C'est faux. Ça faisait combien de temps qu'on ne s'était pas retrouvé sur une place ? Et du coup, ça a emmené aussi du conflit sur la gestion de la place de la République, quoi. Voilà. Est-ce que ça ne doit pas redevenir ça, hein, une agora où les gens viennent discuter ? Parce que oui, toutes ces questions nous regardent, quoi. Toute la démocratie, ce qu'on veut faire de nos vies, ce qu'on veut faire du travail, ça nous regarde tous. On n'a pas l'impression que c'est un peu les mêmes qui se retrouvent. Moi, je crois qu'il faut assumer un peu l'entre-soi, malheureusement. C'est pas toujours les mêmes. Il faut essayer aussi d'aller ailleurs. Moi, j'aime beaucoup justement l'idée de projet, c'est-à-dire que voilà, Nuit debout, c'est aussi un projet. Il y en a d'autres. Il y a les Colibris. Donc, je pense qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on veut le dire. Et le truc, c'est la dispersion, et c'est le fait aussi de ces mouvements-là, c'est qu'il n'y a pas de leader, et il n'y a pas de... Donc forcément, on ne les voit pas vraiment. Et c'est ce qui se passe sur tous les sujets, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout vient dedans, c'est-à-dire est-ce qu'on a du pouvoir, est-ce qu'on se résigne, est-ce que nous, citoyens, on a le droit d'aller contre une décision politique, alors qu'on a voté pour ces gens-là. Donc ça touche à la désobéissance. Oui, mais on va y aller, mais en fait, c'est peu de choses, cette histoire, parce qu'en fait, le sujet, c'est que c'est très polluant, leur histoire. C'est extrêmement polluant. Mais la pollution, finalement, on l'a intégrée. On est un bon nombre à l'avoir intégrée comme étant normal. Moi, c'est ce que j'ai dit à une politique que j'ai vue. Je dis, mais c'est dommage collatéral, quoi. Il vous faut combien d'enfants asthmatiques pour que ce soit acceptable? Moi, je trouve que c'est inacceptable, qu'il n'y a même pas un pourcentage acceptable, quoi. Et en fait, ça nous renvoie à notre soumission à ce modèle économique qu'on se dit pas assez normal. Et donc, c'est dur de rassembler sur ce genre de choses. Et souvent, on dit oui, bah, c'est parce que c'est à côté de chez toi. Donc moi, avant, justement, j'allais plutôt aider les Indiens à l'autre bout de la planète. Et là, c'est arrivé à côté de chez moi. Et ça a été super intéressant parce que bah, là, j'ai vu qu'il y a des gens, oui, ils sont capables de se lever que si c'est à côté de chez eux. Eh bien, c'est ainsi. Et c'est bien aussi. Parce que du coup, on a compris plein de choses. On a compris la machine politique et que combien c'est fait pour que les citoyens n'aient absolument rien à dire. C'est terrible, terrible, terrible. J'ai compris le dogmatisme aussi, parce que dans l'histoire, il y a des politiques Europe Écologie des Verts qui ont décidé que si c'était bien la chaufferie, parce que c'est une chaufferie bois. Donc voilà, il y a tout ça qui remonte, donc c'est hyper difficile. Alors après, tu leur expliques que c'est écologique, mais qu'ils n'ont pas pris en compte les camions qui sont sur les routes dans leur bilan CO2. Donc là, ils commencent à se dire, ah mince, il y en a deux, trois qui connaissent un peu le système, enfin qui connaissent un peu, et t'as des gens qui reconnaissent, qui disent, oui, vous avez raison, on aurait dû l'intégrer dans le calcul, mais on ne l'a pas fait. Et voilà, mais c'est pas grave, c'est parti déjà. Il y a un permis, voilà. Et là, tu te dis, mais dans quel monde vit-on ? Et c'est intéressant aussi parce que ça permet aux gens de comprendre. Par exemple, il y a des gens qui ne comprenaient pas, du coup, à Nantes, Notre-Dame-des-Landes. Dans ce petit groupe-là, il y avait très peu de gens qui étaient opposés à Notre-Dame-des-Landes. C'est très compliqué à Nantes pour ça. Et là, ils ont compris. Ils ont compris la manipulation des chiffres. Ils ont compris surtout comment des gens peuvent en être désespérés, comment des agriculteurs peuvent être désespérés par cette machine dans laquelle on met énormément d'énergie. Avec tous les gens qui sont là en train de dire « Mais pourquoi tu t'énerves ? De toute façon, c'est plié d'avance. » Donc tu es là, tu pousses, tu essaies d'emmener les autres. Et en même temps, tu sais que bah, ça va être compliqué, tu le sais très bien. Donc voilà, comment est-ce que tu entretiens la flamme en disant il ne faut pas non plus que ces gens-là se désespèrent, tu vois. Mais ce n'est pas grave, on a tous monté en compétence et on ne lâche pas et on continue. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'on a raison sur le fond et que le seul truc qui peut les embêter, c'est la com. C'est terrible, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles à leur réputation. Voilà, alors si on va, voilà, on a eu un petit truc dans le canard enchaîné, ça gratte ça. Puis par contre, le fait de se dire, on empoisonne des gens, ils n'en ont rien à faire. Et ça, en fait, pour moi, c'est... Enfin, ça, voilà. J'en suis émue d'en parler parce que je ne comprends pas. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de mal avec la politique. Si vous venez à peine de nous rejoindre, vous écoutez Message de vie, MES plus loin sage, en présence de Sandrine Roudeau, chercheuse et semeuse d'utopie. De plus en plus de gens disent qu'ils ont réussi leur plan de carrière, déclarent avoir réussi socialement et échoué humainement. L'utopie est-elle une quête de sens, une priorité dans les engagements de vie? Chacun peut s'approprier ou se réapproprier son propre pouvoir d'agir en développant une transformation personnelle. J'ai rencontré Jean-Philippe Magnan, ancien porte-parole d'Europe Écologie, et j'aimerais vous partager son témoignage sur les notions de pouvoir et de leadership en lien avec la connaissance de soi. Tu as été le porte-parole d'Europe Écologie et vice-président du Conseil Général du Pays de Loire. Tu as mis un terme à ta vie politique en 2015. C'est une démarche assez rare. Qu'est-ce qui t'a dépité dans le pouvoir ? En fait, ce qui a motivé ma décision d'arrêter, c'est une double motivation. Une motivation personnelle, c'est un ressenti très perso de dire la façon dont j'organise ma vie avec mes mandats très présents, locaux, nationaux, d'engagement dans ce mouvement d'écologie politique, ne correspond plus à mon envie d'investissement et la façon dont j'ai envie de militer pour ce projet écolo auquel je crois encore plus peut-être même. Je pense que l'écologie est un projet à partager. Je ne suis pas sûr que ça passe par un parti politique et en plus je m'y sentais mal. Donc à partir de là, j'ai écouté à la fois mon analyse un peu collective, politique, et puis mon ressenti à l'intérieur. Et donc à un moment donné, je me suis dit c'est plus cohérent. Et comme il y a de l'incohérence, il faut trouver d'autres choses pour pouvoir remettre de la cohérence dans ma vie. Qu'est-ce que tu as trouvé comme cohérence aujourd'hui ? La cohérence entre déjà mes discours et mes actes. J'avais un discours sur prendre le temps de vivre, de ressentir, et je faisais l'inverse. C'était hallucinant. C'est-à-dire que j'avais plus le temps de sentir ce qui se passait pour moi au quotidien, être avec mes proches, à cultiver l'amour, alors que je disais théoriquement qu'il fallait réintroduire le bonheur et l'amour en politique. Et je faisais l'inverse. Donc à partir de là, je me suis dit il faut que je le fasse. Soit je reste à l'intérieur et j'essaye de le faire, et je n'avais pas l'énergie pour, et je pense que j'y croyais pas beaucoup. Soit je sors et je reprends mon métier de thérapeute, puisque je suis psychothérapeute, et je crée une dynamique autour de cette question du psy et du politique. C'est celle qui m'animait le plus, donc c'est pour ça que j'ai créé PsyPol. Mais tu étais psychothérapeute pendant que tu étais chez Les Verts ? J'ai été psychothérapeute. Alors, ce n'est pas mon premier métier, parce que j'ai commencé à me former pour être psychothérapeute à la fin des années 90. Et j'ai eu ma certification, mon diplôme, au milieu des années 2000. J'étais déjà élu. J'ai commencé à être élu à Nantes en 2001. Donc ça a été un peu parallèle. J'ai exercé jusqu'à la fin des années, vers 2009. Et après, j'ai arrêté. J'ai été 100% politique. Donc j'ai eu à faire un choix en 2009 en me disant, soit je suis psy et j'arrête la politique élective, ou alors je garde ma carte, mais je n'ai pas des mandats comme je les avais. Soit je vais encore plus loin. C'était un peu ça, comment ça se posait, il faut dire les choses honnêtement. Et j'ai choisi d'aller au bout sur la politique, en fait. Je ne sais pas ce qui m'animait, je pense que c'était une quête de reconnaissance. J'avais une volonté de faire avancer mes idées, mais je pense que j'avais aussi une quête de reconnaissance qui m'aveuglait un petit peu sur la réalité de là où je pouvais me situer. Donc, non, en fait, j'étais psy pendant que j'étais politique, mais je ne me laissais pas l'espace pour l'être. Donc, on pourrait croire que j'étais mieux disposé que d'autres à voir tous les travers du politique. Et en fait, j'ai vacillé comme d'autres. J'ai cédé à des sirènes du pouvoir, ce qu'on appelle la lumière. Enfin, moi, je vois une autre lumière aujourd'hui, mais celle de la scène politique, elle est très narcissisante, en fait. Donc, à un moment donné, j'ai vacillé. Ouais. Et maintenant, j'en suis sorti, j'en suis content. Qu'est-ce que tu as voulu prouver en quittant les rênes du pouvoir ? J'ai pas l'impression d'avoir quitté les rênes du pouvoir. Je me sens... paradoxalement, je me suis réapproprié mon propre pouvoir d'agir, en fait. Et c'est pas que des mots, dans ma vie, quoi. Je me suis réapproprié mes choix. j'ai pas subi ce rythme effréné dans lequel j'étais ces quelques dernières années de mes mandats. Alors j'en suis co-responsable, hein. Je pense que le système en est un peu responsable aussi, mais que j'en suis moi aussi co-responsable, et que voilà, j'ai le temps de vivre, j'ai le temps de voir les gens que j'aime, j'ai le temps de faire des projets, j'ai le temps de travailler. J'aime l'émulation d'événements comme celui concret, mais je peux aussi me reposer, et puis depuis 5-6 ans, je médite tous les jours. Donc la méditation fait partie de mon quotidien, et ça a changé beaucoup de choses en moi. Tes anciens collègues que tu revois sûrement encore dans la politique, qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui avec plus de recul ? Quand je les revois, avec certains, j'ai gardé des relations amicales. Avec d'autres, c'est plus difficile parce que je pense que la relation n'était pas fondée sur quelque chose qui était de l'ordre de l'affectif. C'était fondé sur l'ordre de l'intérêt. Donc avec certains, il n'y a plus de lien. Et il y a même eu de la défiance, etc. Enfin, c'est quand tu quittes cet espace-là, c'est comme quand tu quittes une famille, en fait. Certains pensent que c'est une trahison, d'autres comprennent. Voilà, ça, c'est comme la vie, c'est le théâtre de la vie. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à nos hommes politiques ? Moi, je pense qu'il manque de la conscience individuelle et collective. C'est Thich Nhat Hanh qui est un maître zen vietnamien qui dit la conscience individuelle et la conscience collective inter-sont. Et ça veut dire qu'effectivement, l'enjeu, c'est pas de partir en retraite tout le temps et de se dire je me déconnecte de la société puis je me réfugie en moi, comme c'est pas de partir en frénésie totale vers l'extérieur sans se connecter à soi-même. C'est bien une interconnexion entre les deux qui permet de trouver la solution. Et donc, ça veut dire que le jeu tout seul, ça marche pas. Et c'est pour ça que dans l'événement Nouveau Pouvoir, Nouveau Leader, le je et le nous sont très très importants. Je citais en intro de l'événement Nelson Mandela, « Je suis parce que nous sommes ». C'était un proverbe zoulou, il disait « J'existe parce que nous existons ». Et je crois que ça, moi j'essaye de l'intégrer au quotidien, et dans la façon dont on a monté cet événement, on essaye de le vivre en tout cas. Alors aujourd'hui tu organises le congrès Nouveau Leader et Nouveau Pouvoir. Qu'est-ce que tu veux démontrer en organisant aujourd'hui ce congrès ? Quels sont les nouveaux pouvoirs ? Qu'est-ce que tu veux proposer comme nouveau leader et nouveau pouvoir ? Quelle est l'idée ? Alors, nouveau pouvoir, nouveau leader, c'est faire en sorte que chacun, ça part du postulat de se dire qu'on a besoin de pouvoir, on a besoin de leadership dans la société, mais que la façon dont c'est aujourd'hui orchestré fait qu'on a une petite minorité qui a le pouvoir sur une grande majorité. Et donc, c'est des rapports de domination-soumission. Et ce n'est pas que la responsabilité de ceux qui dominent. Il y a aussi sans doute une part de responsabilité de ceux qui sont soumis. Mais le système a fait d'un effet pervers qui fait qu'aujourd'hui, l'effet vertueux n'existe pas. Et nous, ce qu'on essaye humblement de faire avec cette rencontre, c'est de faire en sorte que les gens se posent la question à travers des expériences, des gens qui viennent ici parler de leur expérience, soit qui ont été dans les grandes boîtes, soit qui ont été dans les partis politiques comme moi, ou soit d'autres qui ont eu d'autres expériences de vie de pouvoir. C'est qu'aujourd'hui, il peut être plus riche dans la société d'avoir le pouvoir avec, et qu'à certains moments, on a le pouvoir, et puis qu'on peut, à un moment donné, laisser le pouvoir en termes de représentativité, et que ça ne nous empêche pas d'avoir du pouvoir d'action dans sa vie. Et il y a tellement de gens à qui on enlève le pouvoir d'agir dans leur vie aujourd'hui, qu'il y a une vraie dégradation des relations sociales. Enfin, il y a de la violence, il y a des envies de vengeance, parce que c'est pas juste. Et en plus, les gens ont raison. Moi, je comprends l'indignation, je comprends que les gens soient pas contents, parce qu'il y a un vrai problème d'indignation aujourd'hui. Et voilà, et ça, il faut qu'on l'écoute, il faut qu'on l'entende. Et ça passe aussi par faire en sorte de mettre en place des mécanismes qui font qu'on accompagne les gens pour qu'ils se réapproprient leur pouvoir d'action. Et ça veut dire, dans certains cas, de s'indigner. Ça veut dire, dans certains cas, s'opposer. Mais s'opposer avec la conscience qu'on s'oppose et pourquoi. Quoi. Voilà. Donner du pouvoir aux insoumis, c'est une possibilité d'équilibrer les pouvoirs, mais ce n'est pas une façon aussi de leur donner trop de pouvoir. Oui, le pouvoir est souvent domination, et je crois qu'il faut être conscient de la fragilité de l'être humain, c'est que celui qui n'a pas le pouvoir et qui combat le pouvoir actuel peut aussi prendre les formes de ce pouvoir et épouser les formes de ce pouvoir. Donc je pense qu'il n'y a que la régulation collective qui permet d'en sortir, et la conscience personnelle. C'est pour ça qu'on dit interaction, transformation personnelle, transformation collective, c'est que l'une ne va pas sans l'autre, et ce n'est pas une devant l'autre. C'est-à-dire que si tu fais un travail personnel et que si tu ne te connectes pas au nous à un moment donné, à ton environnement humain, spatial, naturel. On donne une place d'ailleurs très importante dans nos rencontres et dans notre réflexion à la réconciliation entre l'homme et la nature. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé refuge. C'est étonnant, je vais te faire une confidence. J'ai été 15 ans écologiste politique. j'avais pas vraiment de rapport avec la nature. Il n'y a que depuis que j'ai arrêté et que je fais de la méditation depuis quelques années que je me ressens connecté à la nature et aux éléments. C'est quand même hallucinant. Et j'en ai vu des écologistes politiques qui n'ont aucun lien avec la nature. Vrai lien, c'est-à-dire un lien intime. Et je pense que c'est ça. C'est-à-dire que si on se reconnecte comme on l'a fait ici avec des temps de méditation, avec des temps de connexion avec la nature, tu peux être de toute façon beaucoup plus présent. J'ai pas beaucoup vu de personnes avec 3 téléphones portables et des ordinateurs portables partout pendant les ateliers et les réunions de notre rencontre, alors que j'en ai tellement vu pendant ma carrière politique. Mais la politique, c'est juste un reflet de nous-mêmes. Ils sont censés travailler pour l'intérêt général, quoi. Bah, il faudrait que déjà qu'ils se changent... Donc c'est électoraliste, c'est pas politique. C'est ça qui est terrible. Mais à mon avis, il faudrait peut-être changer nous-mêmes pour que le monde change autour de nous. Nous et les politiques changeront aussi. Alors moi, je pense même pas qu'il faille changer, en fait. Alors, on dit souvent, oui, changeons nous-mêmes pour changer le monde. Mais je crois qu'en fait, il y a une espèce d'auto-contrition dans cette histoire. Et en plus, on a peur du changement. Donc plus on dit « changeons nous-mêmes », plus on se met la barre haute. Et en fait, moi, je crois que plus on est soi-même, parce qu'en fait, on a déjà tout ça. Il suffit de se débarrasser de tout le reste. Et ce qu'on est au fond, très honnêtement, on y est déjà, en fait. En fait, il faut revenir à ce qu'on est. C'est plutôt ça, le truc. Et ça, c'est quand même plus simple, hein. Et c'est pour ça, je comprends aussi le développement personnel et tous les trucs, et moi j'en fais, hein, des stages, des trucs, etc. C'est surtout bien parce que ça te fait faire un pas de côté. Mais le truc, tu l'as déjà, en fait. Donc c'est bien de se mettre en parenthèse pour se dire, voilà, mais en fait, le truc, c'est pas de devenir cette personne. Moi, je serai jamais Gandhi et ça me tétanise, quoi. Voilà, j'ai pas cette grandeur d'âme. Par contre, je pense qu'au fond de moi, j'ai 2-3 trucs dont je suis sûre et qui sont justes. Et on est tous comme ça, on en a tous. Et à nous balancer, c'est pour ça que je voulais étudier les héros, à nous balancer les héros qui ont une morale irréprochable, qui sont... Et on veut se développer pour aller vers ça. Mais bonne chance, quoi. Mais je ne sais pas si c'est bien de ressembler à Gandhi, parce que tout le monde va dire qu'en dira-t-on de toi, de ce que tu penses. Mais c'est une bonne idée de devenir soi-même, oui, plutôt que de changer, changer. Parce que... En fait, du coup, j'ai pris une phrase, alors je l'ai fait un peu modestement, comme d'ailleurs tu m'as dit hier qu'il fallait que je porte un peu plus ma voix. C'est-à-dire que dès que j'ai des choses importantes à dire, je le... Allez, je le mets comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui me la ressortent, cette phrase, dans mon livre. Je dis, plutôt que de changer soi-même pour que le monde change, il faut être soi pour que le monde soit. C'est simple. Bonne idée. L'histoire de l'humanité est suspendue, nous dit Sandrine Routeau, autant sur l'intime de nos vies personnelles que sur l'enjeu planétaire du devenir de ce peuple de la Terre. Dostoïevski disait que le monde serait sauvé par la beauté. Ce n'est certainement pas en étant sur la terrasse d'un café que nous défendrons nos idéaux. Sandrine, dans son dernier livre, Les Suspendus, nous propulse de devenir des signaux faibles en provoquant des tensions entre dénonciation et valorisation, entre découragement et optimisme. Mais la vraie question à nous poser, que voulez-vous faire de votre vivant ? En fait, on n'est pas né pour se préparer à vivre. On y est, là. Donc en fait, il faut y aller. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que plus ça va, on est vraiment dans une période tragique. Et moi, je pense que d'une période tragique naît le sublime. Et ça va aller en s'amplifiant, parce qu'on a des lobbies qui sont tellement cupides qu'ils vont précipiter leur... Enfin, ils vont nous amener au maximum de ce qu'on peut supporter. La médiocrité des politiques, les désordres écologiques, les réfugiés, il y en aura de plus en plus. Ils vont venir, que ce soit pour des guerres, pour des... Voilà. Il faut être lucide. Et en fait, de ça, comme dit Sartre, on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. C'est-à-dire que ça nous met face à l'objectif de notre vie. C'est-à-dire qu'on est sur Terre. Je dis que voulons-nous faire de notre vivant ? C'est-à-dire de nous en tant qu'être vivant et de cette parenthèse qui nous est donnée. Ça m'a été un peu soufflé le soir du 13 novembre, en me disant, mais enfin voilà, maintenant il faut y aller, quoi. Mmh. Et en fait, c'est extrêmement jouissif comme histoire, parce que ça rend la vie très intense. Et quand on est dans une période tragique, on est obligé de se positionner. Il y en a certains qui vont se tourner vers le repli, la peur, la crispation. Il y en a d'autres, ça les amène à se tenir debout. Et en fait, ils sont en train de se réveiller quelque chose qu'ils n'avaient même pas soupçonné. Mais c'est qu'à un moment donné, ça va bien, quoi. Il en a marre. Et en fait, le confort qu'on a eu toutes ces dernières années, le confort dégrade l'élan de l'âme. Le confort, en fait, nous assiste. Et finalement, on dit, on est dans une société qui a besoin de sens. Bah oui. Quelle est la limite du confort? Parce qu'une fois qu'on a plus de confort, parce qu'en fait, plus. En fait, notre confort, il est juste indécent. Encore une fois, j'ai l'impression d'être moralisatrice quand je dis ça, mais c'est la réalité, en fait, c'est indécent. De tout ce qu'on jette. Et il y a un moment où on s'en rend compte. On s'en rend compte et là, on a envie de changer. Moi, je suis très j'aime bien avoir plein de choses. Je ramène plein de choses de mes voyages. J'ai un côté assez encombré, on va dire, dans ma maison. Et il y a toute une génération et tout un courant qui est sur le désencombrement. Alors, j'essaye d'y aller et je me rends compte... Je pensais que ça me rassurait d'avoir plein de choses. Alors, je garde mes trucs de voyage, tout ça. Il y a des choses affectives. Mais il y a plein de choses. Je me disais, oh, mais j'en aurais besoin un jour. Puis comme j'essaie de racheter peu de choses, d'acheter peu de choses, je me dis, ouais, mais j'en aurais besoin un jour. Donc, c'est pas grave que je garde. Et en fait, si tu te rends compte que ça... Ton con, quand tu commences à donner ou à vendre au vide-grenier, ou à... Tu te dis, purée, ça me libère... Parce que ça, il faut que je le nettoie, il faut que je le range, ça prend de la place. Et en fait, je crois que dans notre esprit, c'est la même chose. On devrait se désencombrer de tout un tas de trucs et ça irait beaucoup mieux, quoi. Je l'ai fait à un moment donné, ça a été libérateur. J'étais indépendante, donc je faisais de la stratégie d'entreprise. Et en fait, j'avais un client qui avait beaucoup confiance en moi et avec qui j'ai pu vraiment expérimenter tout ce que je voulais sur le développement durable. J'expérimentais parce que je débutais, hein. J'ai fait ça par militantisme, c'était pas mon métier au départ. Donc je le faisais avec tout, avec la logistique, les achats, tout ça. Et donc je travaillais à 100% pour lui. Mais j'étais indépendante, je voulais garder ma liberté. Et cette entreprise a été rachetée par un grand groupe. Et avant d'être rachetée, le dirigeant qui m'aimait bien me dit, écoute Sandrine, je te le redis encore une fois, est-ce que tu veux pas être directrice marketing internationale? C'était le poste qu'il me proposait. Et voilà, parce qu'on va être racheté, je peux pas te promettre que ceux d'après. Enfin, que ceux d'après. Évidemment, je serai toujours là, mais jusqu'à quand? Voilà. Donc, que ton contrat sera encore là. Donc, moi, j'étais à 100%, avec zéro préavis quand t'es indépendant. Et puis, voilà, stock option, machin, méga salaire, plus. Alors là, on commence à te flatter sur « tu te rends compte à ton âge, machin, nanana. » Bref. Je rentre, j'en discute avec mon mari, qui lui, à l'époque, avait moins de travail. Hein. Il retapait la maison qu'on avait achetée. Et donc, en fait, on va dire, le revenu de notre petite famille reposait sur moi. Et là, Yannick me dit « mais tu te vois, franchement, aller à Pétaouchnok dans des trucs, c'est tout ce que tu détestes, les process, les compromissions, les négociations. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train d'être tentée, mais par le confort, en fait, par le confort. Et là, on s'est dit, bon, bah, ok, non, mais c'est pas grave. On a confiance, s'il faut reprendre les valises pour faire des petits boulots, on le fera, quoi. Et puis là... Donc j'ai décidé que je resterais comme ça. Et puis je suis restée finalement plusieurs années, puisque du coup mon boulot leur plaisait. Donc j'ai arrêté petit à petit, ça a descendu, donc c'était un bon choix. Et surtout, à cette époque-là, on s'est dit, de combien on a besoin? Et ça nous a libérés, parce qu'on s'est dit, ok, donc il y a l'emprunt de la maison, il y a ça. Ça, c'est gérable, on avait un enfant, j'attendais le deuxième. On s'est dit, donc c'est jouable. Et en fait, de se dire de combien j'ai besoin, plutôt de combien je vais gagner de plus, ça change complètement les choses. Et déjà, quand je suis devenue indépendante, j'ai arrêté le côté promotion, c'est-à-dire où ta valeur, donc ta reconnaissance passe, non, même pas par ton salaire, mais par le fait que tu vas t'augmenter. C'est un truc de fou, quoi. Et quand tu deviens indépendante, tu sors de ça. Tu as un client, t'as un coup, tu n'as pas de client, un coup, bah, tu es contente en grange. Voilà. Donc déjà, tu sors de ça. Et la fois d'après, c'est de se dire de combien j'ai besoin. Et je te jure que là, à partir de ce moment-là, waouh, tu te sens beaucoup plus libre. Si vous venez à peine de nous rejoindre, vous écoutez Le Voyage intérieur, la série d'émissions de Messages de vie, MES Plus loin sage, en présence de Sandrine Roudot, notre invitée. Par quoi tu conclurais sous la pluie? Ce que j'aimerais dire. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'on n'a rien à perdre à essayer, en fait. Que c'est à essayer donc d'avoir un monde meilleur et de s'engager. Qu'en fait, c'est que des rencontres avec des gens qui sont animés par des choses qui font du bien. C'est des gens qui font du bien. C'est des gens qui souvent ne sont pas du même milieu que toi. Et du coup, voilà, ça permet de se re-rencontrer aussi, de retrouver... parce que des fois, dans son milieu, on sait justement pour taire un peu ses engagements et tout ça, pour ne pas faire celui qui pourrit l'ambiance. finalement, on s'est un peu travesti aussi parfois. Et c'est bien aussi d'aller dans d'autres communautés. Et en fait, le seul risque qu'on prend, la seule chose, moi, le seul risque que je ne veux pas prendre dans la vie, c'est de ne pas avoir tout essayé. C'est un truc qu'on peut regretter, quoi. Le défi de sauver l'humanité, c'est aussi de sauver notre part d'humanité. Et je crois qu'on est sur cette terre pour ça. Et j'adore cette phrase de Pasternak qui dit « L'homme n'est pas né pour vivre, n'est pas né pour se préparer à vivre, il est né pour vivre. Bon sang !» Donc on y est, qu'est-ce qu'on va faire de notre vivant quoi maintenant? Ça te va? Ah, ça m'a fait du bien, c'était chouette. C'est vrai, ouais. Ah ouais, vraiment. Sandrine Roudeau a créé sa propre maison d'édition, La Mer Salée. Deux de ses ouvrages sont à placer entre les mains des utopistes insoumis, désobéissants et pour tous ceux qui s'accomplissent. Le premier se nomme Les Suspendus et le second ouvrage Les Utopistes, mode d'emploi. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre voyage intérieur en terre humaine, la série d'émissions radio de Messages de vie, MES plus loin sage, pour faire battre nos cœurs encore plus fort. Bise, ciao.